cours numéro 22. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الإمام ابن حبان رحمه الله تعالى ذكر الزجر عن التحاسد والبغضاء Ce 22e chapitre, Rahimahullah, hadra min hadha adda' wa hadha al-khuluq al-zamim. Dans ce chapitre, il a mis en garde, Rahimahullah, contre ce mauvais comportement, contre cette maladie, la maladie du cœur, at-tahasud, ay la jalousie, wal-baghdha', ay détester son frère mu'min bighayri haqq. قال الله عز وجل في كتابه العظيم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب ولقد آت فلقد نعم فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فالله سبحانه وتعالى il donne à qui il veut من فضله ومن رزقه ومن نعمه جل وعلا اي الحاسد كما سياتي معنا فكانه il est pas d'accord عيدا بالله فكانه اي cette chose que Allah subhanahu wa ta'ala il a donné à Su'ub فهو il la déteste فهو il voudrait qu'elle disparaisse حسدا من قلبه عيدا بالله وقال الله جل وعلا إنما المؤمنون إخوة الأخوة s'implique des choses et parmi ces choses المحبة والتعاون والنصرة les croyants c'est des frères فمن هذا الباب لا يجوز شرعا de détester son frère بغير حق ابن حبان il a cité ces deux points التحاسد والبغضاء et on a cité un premier verset pour ما يتعلق بالحسد et un deuxième فيما يتعلق بالبغضاء وهكذا قوله عز وجل والمؤمنون والمؤمنات وبعضهم أولياء بعض فالمؤمن سيولي لأخيه المؤمن والولاية لا شك أنه سيمبليك كذلك المحبة والنصرة والقرب aimer son frère s'entraider avec son frère conseiller son frère patienter sur son frère et لا شك أن entre الحسد والبغضاء il y a un lien. C'est pour ça que رحمه الله il les a cités dans le même باب. ذكر الزجر عن التحاسد أي se jalouser والبغضاء لأن الحسد ça va impliquer البغضاء le fait de détester l'autre. قال رحمه الله أخبرنا محمد بن الحسين ابن مكرم البزاز بالبصرة قال حدثنا عمرو ابن علي الفلاس قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج قال حدثني عطاء أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا حديث عظيم في الآداب sur les bons comportements. فالنبي صلى الله عليه وسلم il nous a interdit أن نتباغض لا تباغضوا أي ne vous détestez pas. لماذا؟ لأن كما تقدم معنا أن المؤمن له حق عظيم sur toi, ton frère مؤمن. Et من هذه الحقوق c'est que tu dois l'aimer في الله. Pourquoi? Parce que c'est un mu'min. Et là, chaque année, ce mu'min, il a des défauts. Comme tu as des défauts. Là, chaque année, ce mu'min, il aura des manquements. Comme tu as, comme on a tous des manquements. Enfin, pas besoin de, yadam billah, d'exagérer. Et de détester son frère, bi atfahil asbab. Enfin, il y a أبواب كثيرة pour régler les choses. Et on a vu que ce mu'min, il sera lié avec son frère mu'min dans beaucoup de choses. Enfin, ça peut arriver des manquements, des défauts, comme tu as dit. Lakin bab an-nusah, walillahi alhamd. La porte de nasiha, du conseil, elle est ouverte. وهكذا الصبر والحلم patienter. وهكذا fermer les yeux sur certaines choses. Lien à ton frère, ça reste un être humain. Enfin, al-wajib, c'est de s'aimer entre mu'minin. Tant qu'il n'y a pas une chose, tant qu'il n'y a pas une chose qui pousse shar'an à le détester. Imma kulliyan, si ce mu'min, iyadan billah, il abandonne son din, et ça devient un murtad, un kafir, fa hada al-hal, la mahabba, elle se transforme en barda, en bourde, lillah azza wa jal, pour Allah subhanahu wa ta'ala, ou détester certaines choses que ce mu'min y fait. من المعاصي والبدع فهذا وإلا فلا بأس المحبة بين المؤمنين أوثق عرى الإيمان الحب في الله هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم صافي بارتي دو الإيمان دو سيمي في الله وكذلك دو ديتستي في الله سو كي ميريت دتر ديتستي من الكافرين والمنافقين وأهل البدع والأهواء شاكان بارابور ا سون ايغارمون فقال لا تبغضوا. Ça nous montre quoi, Kadalik? Ça nous montre un mu'min avec son frère, il doit daïman se rappeler que cette mahabba, c'est fillah. Comme on l'a déjà traité dans certains chapitres précédemment. Le chapitre de la ziyara, de la mahabba. Cette mahabba, elle est fillah. Si elle est fillah, si elle est pour Allah subhanahu wa ta'ala, la chacun, ce mu'min avec ce iman qawi, avec cette foi qu'il a dans son cœur, il doit aimer son frère fillah. Bien sûr, il va patienter sur beaucoup de choses. Bien sûr, il ne va pas détester son frère pour la moindre cause. Abadan, limada li anna ce lien, il est fillah. Il est fillah. Et cette mahabba, elle est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wala tahasadu. Wala tahasadu. Ça, c'est al-hasad qu'on a déjà traité plusieurs fois et qu'on va traiter ici, bi'idnillahi azza wa jal, en détail. قالوا ولا تدابروا. التدابر c'est le fait de se tourner le dos. فهذا il tourne le dos et l'autre il tourne le dos. ثم يحصل هجر. C'est ça التدابر. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن هذا. Et dans l'autre hadith, لا يهجر المسلم أخاه المسلم لا يهجر المسلم أخاه المسلم فوق ثلاث. النبي صلى الله عليه وسلم il a autorisé 3 jours. تقدم معنا على حكمة أن الإنسان يمكن أن يكون مكسى يمكن أن يكون شيء قد حدث أو منك ما وهذا يدفعه إلى هذا لكن لا أكثر من 3 أيام إلا bien sûr s'il y a une cause شرعا كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعبا وصاحبيه 50 jours عليه الصلاة والسلام لماذا لأنه يبقى une cause فسي une cause. Une raison, bien sûr, une raison qui est appuyée par les textes du Coran et de la Sunna, comme Hajr, Ahli Sunna, li Ahli Bid'a'i wal Ahwa. Qala wa kunu ibadallahi ikhwana. Et hada, c'est un amr. Enfin, entre mu'minin, on doit être des frères. Des frères, bima'na al-kalima, comme on a vu kathiran précédemment. Ukhuwa fillah, avec tout ce que ça implique, comme mahabba, comme amour fillah, comme nusra. Secourir son frère mu'min. On ne sera pas zaliman ou madlouma. Hakada qal nabi sallallahu alayhi wa sallam. Kadalik ta'awun. S'entraider. Wa ta'awanu. Ala al-birri wa taqwa. Kadalik al-sabr wa al-hilm. Patienter. Avec ton frère. Kadalik la modestie. Envers ton frère. Al-mu'min. Muhammadun rasulullah. Wa al-ladhina ma'ahu. Ashidda'u ala al-kuffar. Ruhama baynahum. Hakada ils étaient ashab. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ashidda est très dur, très ferme avec les ennemis de l'islam. Et Ruhama, miséricordieux entre eux. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Al-hadith akhrajahu al-Bukhari fil adab al-mufrad wa al-imam muslim dans son sahih an Abi Hurayra radiyallahu an, comme c'est cité dans la note de bas de page. Qala Abu Hatim rahimahullah. الواجب على العاقل مجانبة الحسد على الأحوال كلها، فإن أهون خصال الحسد هو ترك الرضا بالقضاء. المؤمن doit s'écarter de cette maladie, الحسد la jalousie, على الأحوال كلها, dans tous les cas. قال فإن أهون خصال الحسد هو ترك الرضا بالقضاء. نعم, لأن cette maladie, عياذا بالله, elle va pousser à beaucoup de mauvaises choses, et parmi ces choses, ترك الرضا بالقضاء. لماذا ترك الرضا بالقضاء؟ ça veut dire ne pas accepter que Allah subhanahu wa ta'ala il a décrété qu'un tel il a telle chose. Il m'a de la science, il m'a de l'argent, il m'a une maison, il m'a des enfants. Une ni'ma parmi les ni'am d'Allah subhanahu wa ta'ala. فالحاسد كأنه, le jaloux, كأنه il n'est pas satisfait. Il n'est pas satisfait, il n'est pas satisfait de هذا القضاء. Et ça c'est très très grave. قال وإرادة ضد ما حكم الله جل وعلا لعباده. الله سبحانه وتعالى حكم, الله سبحانه وتعالى il a décrété que مثلا tel مسلم il a plusieurs enfants, 4, 5, 6 enfants, une ni'ma min ni'am الله عز وجل. فسي un autre il le jalouse, فكأنه il est ضد إرادة الله. الله سبحانه وتعالى il a voulu cette chose et il est contre. قال رحمه الله ثم انطواء الضمير على إرادة زوال النعم عن المسلم. Ça c'est le fruit, عياذا بالله, هذا المرض, هذا الحسد. Quand le حسد rentre dans le cœur d'une personne, cette personne elle déteste cette chose, un bienfait parmi les bienfaits qui a touché ce muslim, ثم عياذا بالله, ça peut aller plus loin. أنه يتمنى, il espère زوال هذه النعمة, il espère que cette ni'ma elle disparaisse. مع أن c'est un mauvais comportement, كذلك c'est من السفاهة. لماذا؟ لأن فضل الله واسع. مثلا واحد il n'a pas d'enfant et Allah subhanahu wa ta'ala il a قدر qu'un autre من المؤمنين Allah lui a donné plusieurs enfants, 5, 6, 7 enfants. Qu'est-ce qu'il va gagner, ce musulman qui n'a pas d'enfant, si son frère il perd ses enfants? Qu'est-ce qu'il va gagner? Est-ce que ça va lui ajouter quelque chose? Ça va lui rien lui ajouter? Aslan, il n'a pas d'enfant. Enfin, ça montre ce vœu et ça montre cette maladie. Cette maladie qui est ancrée dans certains cœurs. Ou il l'a, ce musulman, là où il demanderait min fadlillah azza wa jal. Ya Allah, ya Rabb, urzuqni min al-awlad kama razaqta fulan. Ya Allah, donne-moi des enfants comme tu as donné à un tel. Wa ya Allah, barik li fi awladi wa barik fi awlad akhi. Yana la shak anna al-muslim ahyana, l'être humain en général, quand il voit des choses, il a envie de ces choses. Lakin al-hasad, c'est grave, limada. Lianna al-hasad yikra, il déteste, il n'est pas satisfait que ce muslim il a cette ni'ma. Alors on a dit que c'est mina savaha, limada, lianna awlan, si son frère musulman il perd cette ni'ma, va lui, ça va rien lui ajouter. Et kadalik c'est mina savaha, lianna Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable de tout, c'est razzaq. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il te donne comme il a donné à un tel. Qala, wal hasid la tahda'u ruhuh, wa la yastarihu badanuh, illa inda ru'yati zawal an-ni'mati an akhiya. Et بعض الناس صحيح, ils ont min hadha al-hiqd al-hasad. Cette maladie. Annahum la yirtahoun. Ils ne sont pas contents, ils ne sont pas reposés, sauf si cette ni'ma que son frère il a, comme argent, comme science ou autre, il se repose si elle disparaît, cette ni'ma. Qala wa hayhat an yusa'id al-qada ma lil-hussad fi al-ahsha. Fi al-ahsha ay fi bawatinihim, ce qu'ils ont dans le cœur. Hayhat, na'am. Il se fatigue, haoula. Si Allah subhanahu wa ta'ala, il a décrété, il a qaddar, il veut du bien pour telle personne, même si ce jaloux, ça le gêne, ça le dérange, même si ça va encore plus loin, il espère que cette ni'mal disparaisse. Ben, pardon, tellement qu'ils sont jaloux, ils espèrent complètement que la personne elle disparaisse. Haoula, ils se font que du mal. Wa illa qadarullah subhanahu wa ta'ala, c'est qadarullah. Allah subhanahu wa ta'ala, il a tout décrété 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre, comme a fait hadith Amr, radiyallahu ta'ala an. Thumma qala, rahimahullah, wa anshadani Ali ibn Muhammad al-Bassami, حسد الفتى إذا حسد الفتى إذ لم ينالوا سعيه فالقوم أنداد له وخصوم كضرائر الحسناء قلنا لوجهها حسدا وبغيا إنه لدميم وترى اللبيب محسدا لم يشتلب شتم الرجال وعرضه مشتوم. أبيات جميلة. حسد الفتى إذ لم ينالوا سعيه. Ça, ça montre أن الحاقد الحاسد il est في ضيق il est في ضعف أنه il ne fait pas d'effort dans certaines choses, il n'arrive pas à atteindre le niveau de son frère dans certaines choses, que ça soit أمور الدين أو الدنيا, que ça soit la science, que ça soit les adorations أو que ça soit un travail, une place في الدنيا. فالقوم أنداد له وخصوم. Quand ils n'arrivent pas à atteindre le niveau de un tel, au lieu de reconnaître leur faiblesse, s'ils ont des faiblesses, et reconnaître que Allah subhanahu wa ta'ala il a élevé leur frère, et Allah il est juste, il a élevé un tel, c'est qu'il mérite, et être content pour leur frère. Ha'oula, à cause de cette maladie, قال فالقوم أنداد له وخصوم. Ça devient des ennemis. خصوم, أنداد. قال كضرائر الحسناء قلنا لوجهها حسدا وبغيا إنه لدميم. الضرائر c'est le pluriel de ذرة. الذرة c'est quoi? C'est quand l'homme il a plusieurs épouses. فالضرائر c'est les épouses d'un même homme. Si cet homme il est polygame, il a 2, 3, 4 femmes, ces femmes en arabe il les appelle ضرائر. Ça vient du mot ضرر. Ça vient du mot ad-darar. Ad-darar, c'est le mal. Limada li anna kathiran. Entre ces femmes, yahsul shay min ad-darar. Wa min al-hasad. C'est pour ça que c'est devenu un mithal. Dans ce vers de poésie, qui est connu, et dans d'autres vers de poésie, al-arabi cité comme exemple pour illustrer l'al-hasad, il citait ad-darair, les causes-épouses. قال كضرائر الحسناء قلنا لوجهها حسدا وبغيا إنه لدميم. من شدة الحسد. Cette femme, elle sait très bien que l'épouse de son mari, sa co-épouse, elle sait très bien qu'elle est جميلة, qu'elle est belle, لكن الحسد والحقد et l'injustice, ils poussent cette femme à dire إنه لدميم, à dire le contraire, qu'elle est laide. Ça, c'est min al-hasad. Ça montre mal. Ça montre que l'haqid al-hasid, le jaloux, il n'est pas objectif. Et en général, il n'est pas véridique. Limada, il n'a que pour faire du mal à l'autre et pour rabaisser l'autre, il est capable de mentir. Il est capable de dire une chose alors qu'au fond de lui, il pense le contraire. قال وترى اللبيب محسدا لم يشتلب شتم الرجال وعرضه مشتوم وترى اللبيب tu trouves رجل من الرجال أنه il est tranquille, il est dans son coin, il ne commet pas d'injustice et مع هذا عرضه مشتوم il n'insulte personne, il n'accuse personne, il est في حاله et tu trouves certains jaloux, ils essayent de ils l'insultent et ils l'accusent, ils essayent de lui coller des choses qu'il n'a jamais fait. قال رحمه الله. Il a rapporté بعد ذلك un أثر عن ابن سيرين. Il a cité l'isnad ثم قال قال ابن سيرين رحمه الله ما حسدت أحدا على الشيء من الدنيا لأنه إذا كان من أهل الجنة فكيف أحسده على الشيء من الدنيا وهو يصير إلى الجنة وإن كان من أهل النار فكيف أحسده على الشيء من الدنيا وهو يصير إلى النار. هكذا العقلاء. هذا الإمام محمد ابن سيرين رحمة الله عليه من أئمة السلف قال j'ai jamais jalousé ما حسدت أحدا على الشيء من الدنيا. J'ai jamais eu de la jalousie envers une personne par rapport à الدنيا. Pourquoi? قال لأنه إن كان من أهل الجنة s'il fait partie de أهل الجنة فكيف أحسد. Pourquoi j'aurais de la jalousie? Pourquoi j'aurais de la jalousie sur quelque chose de الدنيا alors que Allah subhanahu wa ta'ala va lui donner quelque chose de meilleur, al-jannah. Donc cette jalousie, elle ne sert à rien. Qala wa in kana min ahli an-nar, si fait partie des gens du feu, fa kayfa ahsudu 'ala shay' min ad-dunya. Kadhalik, si fait partie des gens du feu, fa pourquoi j'aurais cette jalousie pour cette chose de dunya alors qu'il ira dans le feu éternellement. Donc ce n'est pas une personne à envier. هكذا العقلاء مع هذا ce qui est facilite في هذا الباب جدا c'est l'iman بالقدر. Cette conviction, cette croyance, sans aucun doute, أن الله سبحانه وتعالى guide qui il veut. Il donne à qui il veut. Il élève qui il veut. Si tu as cette aqida, بإذن الله عز وجل, ça va être un rempart entre ton cœur et cette jalousie. لماذا لأن الحاقد الحاسد il a un problème في إيمانه. فلهذا يقولون أن الحاسد عدو من أعداء نعم الله. C'est un ennemi des bienfaits d'Allah Azza wa Jal. Ou illa cet homme ou cette femme à qui Allah a donné de la science, de l'argent, des enfants, une maison. Enfin, là, ils ont fait certaines causes. Ou illa celui qui leur a donné, c'est Allah Azza wa Jal. Enfin, détester ces choses qu'ils ont, les combattre, les accuser, mentir, espérer que ce bienfait disparaît, al-haqiqa, ça revient à dire, comme taqaddam min kalam Ibn Hibban rahimahullah, pourquoi Allah il leur a donné, qu'annahum ils méritent pas, qu'annahu il est pas d'accord, ce jaloux. قال أبو حاتم رحمه الله الحسد من أخلاق اللئام وتركه من أفعال الكرام ولكل حريق مطفي ونار الحسد لا تطفى. الحسد c'est من أخلاق اللئام. صحيح. C'est un comportement mauvais. Et ceux qui ont هذا et qui ne le repoussent pas. سيأتي معنا أن l'être humain en tant qu'être humain قد يدخل شيء من الحسد في قلبه à cause de nos faiblesses, à cause de l'insan, il est attiré par les biens de dunya, il aime avoir robama une chose qu'il n'a pas, un autre qu'il a. Shay min al-hasad il rentre dans le cœur, lakin al-muwaffaq il repousse, et al-muwaffaq yasta'id billah min ash-shaytan. Amma celui qui accepte had al-hasad bal, il ne vit plus que pour faire du mal à ses frères et espérer que ses frères ils ont plus, et ça devient hasid haqid يتعاون مع الشياطين. هذا لا شك أنه لئيم خبيث. قال ولكل حريق مطفي. Chaque feu tu peux l'éteindre. ونار الحسد لا تطفى. Sauf le feu de la jalousie. Et on rajoute إلا أن يشاء الله. وإلا فceux qui sont atteints par cette maladie, ils ont ce feu dans le cœur qui les brûle, qui les ronge de l'intérieur. Et ce feu, il est très très difficile à éteindre. Sauf ceux que Allah subhanahu wa ta'ala y guide. Et ils éteignent ce feu avec l'ikhlas, avec la sincérité, avec l'istislam, les qadha illahi wa qadari, en se soumettant au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Éteindre ce feu avec dhikr, ou avec qira'at al-Qur'an. Et éteindre ce feu en revenant à la biographie du prophète alayhi salatu salam, et de ses compagnons radiyallahu anhum, et des salafs. بإذن الله عز وجل الإنسان peut bien sûr se corriger et من تاب تاب الله عليه. لكن قوله ونار الحسد لا تطفى en général c'est très très difficile. قال ومن الحسد يتولد الحقد والحقد أصل الشر. Et بهذا si on revient au titre الآن on comprend le lien entre الحسد والبغضاء. الحقد ça ressemble à البغضاء. الحقد ça ressemble à détester, ne pas vouloir le bien pour l'autre. Enfin, al-hasad ou al-hasad, en général, ça va impliquer al-hiqd. Il va être jaloux de son frère parce qu'il a telle chose. Thumma, il va détester cette chose. Thumma, rubama, il détestera son frère. Qala wal-hiqd aslu ash-shar. Et ça, c'est la base du mal. Et ta'ammal ma hasala li iblis. Comment al-hasad, il l'a poussé à sa perte. الله سبحانه وتعالى فضل آدم على إبليس والله سبحانه وتعالى فضل بني آدم على الجن les a élevé. Et الله سبحانه وتعالى il a ordonné à الشيطان de se prosterner comme تعلمون. ثم لما دخل على قلبه الحسد cette jalousie n'a pas accepté. Pourtant أولا c'est un ordre d'Allah سبحانه وتعالى. En aucun cas, c'est un rabaissement. Et Thanian, Adam, il est vraiment meilleur que Shaitan. Il n'y a aucun doute. Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a élevé. Valimad à s'opposer. Et que d'alik, s'il aurait fait cette chose, ça fait partie du qadar. Il n'y a aucun problème. Lakin, lama tamakkana al-hasad min al-shaytan, qu'est-ce qu'il a fait? Il a refusé. Il a refusé hasad. Thumma, après avoir refusé, et Allah subhanahu wa ta'ala l'a'ana, et il a été condamné. Qu'est-ce qu'il a fait? Ce hasad, il a poussé au hiqd. Thumma, il a fait une promesse, comme taqaddam ma'ana kathiran, annahu, il va égarer tout le monde, etc. Andaru at-tadarruj. C'est pour ça qu'on fait attention. On fait attention. Al-mu'min, il doit savoir rester à sa place. Ihmadillah que Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a tenu beaucoup. Wa kama ja'a fil hadith. Hadith al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Anna fi amr al-dunya, regarde ceux qui sont en dessous de toi. Kadhalik, ça va t'aider hada pour combattre al-hasad. Si un tel, si on garde les exemples des enfants, un tel, tu n'as pas d'enfant et tu es marié, un autre, il a des enfants. Enfin, regarde ceux qui ne sont pas mariés, aslan. Ils n'arrivent pas à se marier pour plusieurs raisons. Et alhamdulillah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a donné une épouse et tu es mastour et tu es fi khayr. Mais celui qui regarde toujours ceux qui sont au-dessus de lui, là, chacun, le shaytan, il peut rentrer min hadal bab. Qala, وَمَنْ أَضْمَرَ الشَّرْ فِي قَلْبِهِ أَنْبَتَ لَهُ نَبَاتًا مُرًّا مَذَاقُهُ نَمَاؤُهُ الْغَيْضُ وَتَمَرَتُهُ النَّدَمُ. صحيح. Celui qui a هذا dans le cœur, cette maladie, la jalousie, أولاً, ça se verra sur lui. Des paroles, des réflexions, harakat. Et كذلك, ça va le ronger de l'intérieur. Il ne sera jamais tranquille. Il se fera beaucoup de mal. Et au lieu de se fixer sur lui, il regardera d'aïman les autres. Et le fruit de tout cela, ça sera le nadam. Ça sera les regrets. Ajilan ou ajilan. Imma directement, ajilan, imma ajilan, imma plus tard, yawm al-qiyam. Qala wal hasad. هو اسم يقع على إرادة زوال النعم عن غيره وحلولها فيه. هذا سان تعريف كابن حبان رحمه الله إلى ستة. أي une définition de la jalousie. C'est quoi la jalousie? قال هو اسم يقع. C'est un mot, un nom qui signifie quoi? على إرادة زوال النعم عن غيره. أي espérer que ce bienfait qui a touché un tel min al-nas, il disparaît. On répète, un bienfait fi d-din ou fi ma yata'allaq bi d-dunya. Ça peut être de l'argent, mathalan, ou ça peut être de la science. Ou autre. Qala wa hululiha fi. Et en espérant que lui seul, il a ce bienfait. Et que ce bienfait disparaisse de son frère, c'est lui qui le possède. Hada ta'rif, intaqadahu au ba'du ahl al-ilm. Certains imams, min al-muhaqqiqin, comme Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, qablahu, Cheikh Al-Islam, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, ils ont fait certaines précisions. On lit kalam Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, kama fi majmou'a al-fatawa wa al-rasail, qala al-hasad, huwa karahatu ma an'ama Allahu bihi ala ghayrih, wa laysa huwa tamanni zawal ni'mat, na'am, tamanni zawal ni'matillahi ala al-ghayr. Cette précision que Cheikh il a fait, rahimahullah, c'est le sawab. Al-hasad, c'est détester que un tel min al-muslimin il a ce bienfait. Maintenant il a de l'argent et wahed ça le gêne dans son cœur, yakrah, il déteste ça. Ça c'est le hasad. قال وليس هو تمني زوال نعمه الله على الغير. اما le fait d'espérer que cette ni'ma disparaisse, c'est autre chose, c'est les conséquences de cette jalousie. قال بل هو مجرد ان يكره الانسان ما انعم الله به على غيره فهذا هو الحسد. Donc celui qui est gêné, qui déteste que une ni'ma touche un tel min al-nas, ça c'est de la jalousie. Il est touché par la jalousie même s'il n'espère pas que cette ni'ma disparaisse. قال سواء تمنى زواله او ان يبقى ولكنه كاره له كما حقق ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله. Donc, Cheikh Ibn Uthaymin, استفاد من Cheikh الإسلام, رحمه الله. Cheikh الإسلام, قال, الحسد, كراهة الإنسان ما أنعم الله به على غيره. هذا التعريف, il est أضبط. Il est أضبط. Il est plus clair. Il est plus précis. Donc, الحسد, كراهة الإنسان ما أنعم الله به على غيره. Détester un mu'min min al-mu'minin, il a un bienfait. Quand il est touché par un bienfait, un autre, il déteste ça. Dans son cœur, il n'aime pas. Ça, c'est la jalousie. Amma ma dhakrahu, Ibn Hibban, rahimahullah, c'est les fruits de cette jalousie. Celui qui est jaloux, en général, il va espérer que ça disparaisse. Et on qadr, même s'il n'espère pas que ça disparaisse. Il est gêné, il n'aime pas ça. Ça le dérange, il est jaloux. Il est jaloux. Plus grave que cela, espérer que ça disparaisse. Lakin, pourquoi on a cité Kalam Cheikh Ibn Taymiyyah et Kalam Ibn Taymiyyah, alayhim rahmatullah jami'an, pour préciser et pour montrer que as-sawab, c'est que même s'il n'espère pas que ça disparaisse, ça reste un jaloux. Et là, ça nous pousse à faire encore plus attention. Le fait d'être dérangé, le fait de ne pas aimer, c'est ça le hasad. Et si on revient au kalam précédent, c'est clair. C'est qui a donné cette ni'ma à cette personne? C'est Allah Azza wa Jal. Qui c'est qui a élevé cette personne? C'est Allah Azza wa Jal. Enfin, pourquoi détester cette chose? C'est une maladie. فَهَذَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ قَالَ فَأَمَّا مَنْ رَأَ الْخَيْرِ فِي أَخِيهِ وَتَمَنَّ التَّوْفِيقَ لِمِثْلِهِ وَالظَّفْرَ بِحَالِهِ وَهُوَ غَيْرُ مُرِيدٍ لِزَوَالِ مَا فِيهِ أَخُوهُ فَلَيْسَ هَذَا بِالْحَسَدِ الَّذِي ذُمَّ وَنُهِيَ عَنْهُ Na'am, amma, celui qui espère la même chose que ce musulman, matalan, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné du ilm. Il connaît le Coran, il connaît des hadiths, il a écrit des livres, il fait le khutba, c'est un imam, il a du khir. Et un musulman, il espère lui aussi cela. Lakin, sans détester cette ni'ma que son frère il a, et encore moins, sans espérer qu'elle disparaisse. Fahada, c'est pas min al-hasad. قال فليس هذا بالحسد الذي ذم ونهي عنه نعم هذا كما جاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد الا فتنته النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد اي pas de jalousie sauf dans deux cas رجل اتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق ورجل اتاه الله الحكمه فهو يقضي بها ويعلمها pas de jalousie sauf dans ces deux cas. Le premier cas, un homme à qui Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné de l'argent, mal, des biens. Et où il dépense ses biens, fil haq, pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour la cause d'Allah azza wa jal, pour aider les pauvres. Fi hadha al-hal, espérer être, avoir comme cet homme, c'est permis. Qala wa rajulun atahu Allah al-hikma. Un homme à qui Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné la hikma, l'ilm. Fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Il propage ce ilm, il enseigne ce ilm. Il juge avec ce ilm. Ça, c'est une ni'ma azima. Le hadith, il est sahih al-Bukhari, sahih muslim. Al-Hafid ibn Hajar, rahimahullah, fil fath, qala, wa amma al-hasad al-madhkour fil hadith. On revient à un hadith. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qala, la hasad. La hasad. Et pas de jalousie, sauf dans ces deux cas. Les ulama, ils ont précisé, wa minhum al-Hafid, qala, al-hasad al-madhkour fil hadith, fa huwa al-ghibta. Kadalik en arabe, on l'appelle al-ghibta. Aïe, c'est espérer avoir la même chose. قال وهو أن يتمنى أن يكون له مثل ما لغيره من غير أن يزول عنه. تأملوا contrairement au hasad. Et كذلك, en revenant au ta'rif de Cheikh Ibn Uthaymeen, de Cheikh l'Islam, قبله, كذلك, أنه il espère avoir la même chose et ça ne le gêne pas que son frère il a. Et ça l'achète que c'est taillé. Maintenant, ton frère, Allah subhanahu wa ta'ala, a razaqahu na dit l'ilm. Et en fait, tu espères ce même ilm, et tu es content pour ton frère qu'il a ce ilm. Enfin, en aucun cas, c'est al-hasad al-madmoum. Enfin, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il l'a appelé hasad, mais ce n'est pas al-hasad qui est connu, qui est détestable, qui est interdit dans notre dîn. Là, c'est al-ghibta. Qala, min ghayri an yazoul an intaha. Donc, hada, c'est une précision. Wa illa al-hasad, que l'imam al-Hibban, il a cité, hada al-bab, c'est al-hasad al-madmoum, c'est le hasad interdit. قال ولا يكاد يوجد الحسد الا لمن عظمت نعمه الله عليه فكلما اتحفه الله بترداد النعم ازداد الحاسدون له بالمكروه والنقم. Et هذا لا شك فيه. انا plus الانسان il a du ilm, plus Allah subhanahu wa ta'ala il est élevé dans plusieurs choses, taqwa wa salah. Encore plus s'il propage le khayr, encore plus si c'est un savant, un imam, et il a des suiveurs, et il montre le khayr, هذا لا شك أنه il y aura beaucoup de personnes qui vont le jalouser. وهكذا في أمور الدنيا. Plus l'insan il a, plus il sera exposé à هذا. Pourquoi? Parce que les gens ils aiment avoir. لكن بعض الناس عيادا بالله ils aiment avoir et ils ont البخل والشح. Ils pensent qu'à eux. والله بعض الناس ils pourraient couper l'oxygène aux autres ils le feraient. من شدة الحقد والحسد. فplus الإنسان إلى plus il est exposé à la jalousie. فلهذا ينبغي على من آتاه الله سبحانه وتعالى نعما que ça soit علما وتقوى etc أو مالا وأولاد etc أن يتحصن بذكر الله عز وجل. Et on a fait il y a quelques jours ensemble ولله الحمد والمنة une kalima, on a lu la parole de Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, les 10 points pour se préserver contre la jalousie des jaloux. Hada c'est muhim limadha li anna al-insan il est exposé à shar haula. Qala 'azza wa jalla qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri hasidin idha hasad. Fal isti'adatu billah min sharri haula. Je demande protection à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu hafid ala al-adhkar. Adhkar al-sabah wal-masa. Kedalik l'istimrar fi qira'at al-Qur'an. C'est forcé à lire al-Qur'an. Kedalik s'écarter de ma'asi. S'écarter des péchés. Léanna l'insan quand il faiblit. Et al-shaytan yatamakkan minh. Faroubama la jalousie de jaloux lui fait beaucoup de mal. Raji' kalam Ibn al-Qayyim fi... Puis Bada'i' al-Fawa'id, il a cité plusieurs points qu'on a lus ensemble il y a quelques jours. Thumma qala rahimahullah. Il a rapporté كذلك un athar an Ibn Sirin, toujours dans la page suivante, le athar numéro 422. Qala Ibn Sirin rahimahullah ma hasadtu ahadan 'ala ad-din wa la dunya. Dans le premier athar, il avait seulement cité ad-dunya, vous vous rappelez? Ma hasadtu ahadan ala shay min ad-dunya, s'il fait partie des gens du paradis, enfin pourquoi je le jalouserai s'il fait partie des gens de l'enfer كذلك. Et dans ce athar qala ala dinin wa la dunya. N'am hakada izati rahmatullah alayhi. Qala Abu Hatim rahimahullah la yujad min al-hasud aman ahraz min al-bu'd minhu. كذلك c'est un moyen pour se préserver du mal du jaloux. الابتعاد منه. قال ابن حبان وغبت لا يوجد من الحسود أمان. En général, نعم, tu peux pas leur faire confiance. Tu n'es pas à l'abri de leur mal. لماذا? Vu que c'est un حاقد حاسد. Et en général, cette jalousie, elle va le pousser à espérer que ce khir, que tu ailles disparaisse. Enfin, tu n'es pas في أمان معه. Son shaitan, il peut le pousser à te faire une chose pour que tu perdes n'am les bienfaits que tu as. Comme les gens, ils ont tué, ils ont volé, ils ont accusé, ils ont été injustes envers des autres à cause de leur jalousie. Ils sont passés à l'acte. Il y en a la jalousie, c'est quelque chose dans le cœur. Et cette jalousie, elle peut pousser l'insan à faire certaines choses. Fali hada as-salama, c'est de s'écarter. Si tu connais que wahed il est jaloux et il n'écoute pas le conseil et il est malade, va faire tout pour t'écarter de lui. قال انه ما دام مشرفا على ما خصصت به دونه لم يزده ذلك الا وحشه وسوء ظن بالله. مشرفا اي tant que tu es avec lui et il sait la dérancinement sur ce que tu as, ça va empirer son cas. Et sa jalousie, elle peut le pousser à faire des mauvaises choses. قال ونماء للحسد فيه فالعاقل يكون على إماتة الحسد بما قدر عليه أحرص منه على تربيته ولا يجد لإماتته دواء أنفع من البعاد. نعم, on doit tout faire pour repousser la jalousie des jaloux, pour calmer leur jalousie. Ne pas كذلك être la cause d'amplifier les choses. Et il a cité wala yajid li imatati dawa'an anfa min al-bu'at. Al-bu'at c'est l'ibtihad, c'est éloigné. Ça c'est une des meilleures solutions. Bien sûr, selon les capacités de l'insan. Qala fa inna al-hasid laysa yahsuduka ala 'aybin fik ولا على خيانة ظهرت منك ولكن يحسدك بما ركب فيه من ضد الرضا بالقدر. Ça, ça montre la gravité de هذا الذنب. Pourquoi Al-Hasid, Al-Haqid, il accuse son frère, il ment sur son frère, il fait tout pour que les bienfaits que son frère il a disparaissent. Pas parce que son frère il est mauvais, ou il lui a fait quelque chose. Abadan. Abadan. Sauf la raison, c'est quoi ? لكن يحسدك. Pourquoi il est jaloux ? بما ركب فيه من ضد الرضا بالقدر. C'est pour ça qu'ils disent que Al-Hasid c'est un adou min a'dani amillah. Hakika, c'est pas ton ennemi à toi. En fait, tu lui as rien fait. Lakin, c'est un ennemi et il n'accepte pas le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qala kama qala al-Utbi, ay un poète, ufakkiru ma dhanbi ilayka fala ara li nafsi jurman ghayra annaka hasid. Ce poète il a réfléchi, ufakkir ma dhanbi. Il a réfléchi, qu'est-ce que je fais de mal? Pourquoi un tel il m'en veut? Pourquoi un tel il ne m'aime pas? ثم قال فلا أرى لنفسي جرما. أي je n'ai rien fait de mal غير أنك حاسد. Sauf que tu es jaloux. Ce qui te pousse à me nuire, à vouloir me nuire plutôt, à me détester, à m'accuser, c'est الحسد, c'est la jalousie. فالحذر, الحذر يا إخوان. On le répète, on n'est pas à l'abri. C'est pas que les autres qui sont jaloux. فالمعصوم من عصمه الله سبحانه وتعالى من هذا البلاء. C'est un bala عظيم. C'est un mal. Et celui qui est préservé, c'est celui que Allah Azza wa Jalla il a préservé. فلنحذر جميعا. Et on le répète, parmi les causes qui aident à هذا, c'est d'étudier son dîn. فكثير من الحاقدين الحاسدين, c'est des جهال. اغتروا. Ils n'ont pas étudié leur aqida, la croyance. فمن تمكن في علم العقيدة, il sait que الأمور سي بقدر الله. Bien sûr, avec une bonne intention, et bien sûr, en mettant en application sa science, ça ne veut pas dire que celui qui a des connaissances, annahu, il sera à l'abri. Bal sayati ma'ana, an talib al-ilm wal-alim, ils ne sont pas à l'abri de al-hasad. Lakin, c'est une cause parmi les causes. Qala, wa anshadani Muhammad ibn Nusayr, al-Madini, al-Habib ibn Aws, wa idha arad Allahu nashra fadilatin, tuwiyat ataha laha lisan hasoudi. لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العود. هذا البيت سي دو فير دو بويزي ils sont très connus, كثير من العلماء اللي سيت ان في هذا une حكمه عظيمه. احيانا pour que un bien se répande, pour qu'une personne qui fait du khair elle soit connue, son bien se propage, واحد il l'accuse à tort à cause de la jalousie. Et il le pointe du doigt. Ça arrive هذا مع أهل العلم. Certains savants, ils sont critiqués. Toi, quand tu reviens et tu regardes, tu étudies, en fait, cette critique, elle t'a permis de le connaître. En fait, ce qui le critique, c'est ظلم وبغي وحقد وحسد. فلهذا قال لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب وعرف العود. Il a donné cet exemple avec l'oud. Pour ressentir la bonne odeur de l'oud. L'oud, c'est l'encens. Pour ressentir la bonne odeur, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois le brûler. Tu dois le brûler. Quand tu le brûles, thumma, la bonne odeur, elle se propage. Fahakada ahlul khayr. Ahyanan ba'd an-nas, ils essayent de les brûler avec les critiques. Ils essayent de leur faire du mal, de les faire tomber. Et fil haqiqa, toute cette injustice qui est fondée sur la jalousie, c'est une cause pour que Allah subhanahu wa ta'ala, il propage al-khayr. ربما تعرفون حديث الرجل qui est venu à Mecca pour faire ruqya ila Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il pensait vraiment que Nabi sallallahu alayhi wa sallam c'était un homme possédé. لماذا لانه il entendait à Mecca et dans les environs un رجل qui s'appelle Muhammad, un jeune, il prétend être Nabi, il prétend que Quraysh ils sont sur le fou, il a emmené une nouvelle religion, etc. Donc huwa il a entendu Ara et il était sincère, véridique, il voulait vraiment aider le prophète Mohammed, alors qu'il ne savait pas que c'était un Nabi au départ. Et il est parti à Mecca, il a rencontré un Nabi, sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui a dit, est-ce que c'est toi, Mohammed? Enfin, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, non. Thumma, il lui a dit, je suis venu pour te faire ruqya. Et cet homme, il était connu pour ruqya à l'époque. فالنبي صلى الله عليه وسلم إلى دي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا إلى كم صار سيت خطبة الحاجة الرجل l'homme quand il a entendu هذا c'était un homme véridique sincère il voulait la vérité il voulait vraiment aider le prophète Mohammed عليه الصلاة والسلام et il comprenait l'arabe ça l'a touché et il a dit au prophète صلى الله عليه وسلم أعد répète le prophète صلى الله عليه وسلم il a répété إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ثم il a dit au prophète صلى الله عليه وسلم tend la main il lui a fait le bayat لماذا لأن cet homme il a en tant qu'homme un homme sensé un aql il sait c'est quoi un fou un homme possédé il a directement compris qu'il n'était pas possédé ثم الله سبحانه وتعالى il a guidé son cœur ça a été quoi la cause les injustices les mensonges les accusations ça l'a poussé à venir rencontrer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et c'est devenu un muslim min ashab al-nabi alayhi salatu wassalam هذا سان اكزامبل pour clarifier اكثر هذا البيت ثم قال رحمه الله أنبأنا محمد بن المنذر قال حدثنا يحيى بن أبي طالب قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا حماد عن حميد قال قلت للحسن يا أبا سعيد الحسن أي البصري donc la cognade الحسن البصري c'est أبو سعيد قال يا أبا سعيد هل يحسد المؤمن donc il a posé cette question à الحسن البصري رحمة الله عليه هل يحسد المؤمن est-ce que le mu'min le croyant il peut être jaloux est-ce que ça peut lui arriver de tomber dans ce péché قال ما انساك بني يعقوب لا ابا لك حيث حسدوا يوسف الحسن البصري il lui a répondu est-ce que tu as oublié les frères de Youssef les enfants de Yaqub Yaqub alayhi salam كذلك il s'appelle Israël c'est pour ça que Benou Israël, il s'affilie à lui, les enfants d'Israël. Enfin, c'est un prophète, alayhi salatu salam, Yaqub, le père de Youssef. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité le récit, l'histoire de Youssef dans une sourate, sourate Youssef. Et ses frères, là, chacun d'entre eux, ils ont été jaloux envers Youssef. Et ça les a poussés à faire certaines choses que Allah azza wa jalla, il a cité. Donc, ça montre qu'un al-mu'min, il n'y a aucun doute, annahu. Il peut tomber dans ce péché. قال ولكن غم الحسد في صدرك فإنه لا يضرك ما لم يعد ما لم يعد لسانك وتعمل به يدك. هذه سين فائدة عظيمة. Vu qu'on n'est pas à l'abri, même si on est des croyants, on n'est pas à l'abri de هذا الداء, de cette maladie. فالحسن نصح قال لكن غم الحسد في صدرك. Si tu ressens quelque chose et ça peut arriver, ولا شك. Enfin, laisse ça dans ton cœur et demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il dissipe hada de ton cœur. Qala fa innahu lan la yadhurruk, ça te fera aucun mal, ça arrive. Tu as vu une chose, tu as entendu une chose, ton mal hasad il est rentré. Enfin, laisse cela dans ton cœur et repousse et iyak. Qala ma lam ya'du lisanak, iyak de ne pas prononcer une chose. Là, cette chose elle atteint ton cœur, fasta'id billah minash shaitan. Dis a'oudou billah minash shaitan irajim. Pense à autre chose, fais autre chose et rappelle-toi en Allah subhanahu wa ta'ala il lui a donné. Et la'alla, cette chose que Allah il lui a donné, Allahu a'lam, est-ce que cet être humain va en profiter amla? Comme minan nas, ils ont de l'argent, ils ont des enfants, ils ont une maison et ça leur fait que du mal. Rappelle-toi, Allahu a'lam, est-ce que ça va être un bien pour lui amla? Et si c'est un croyant qui est à la khair et on espère que ça soit un bien pour lui, rappelle-toi que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a donné. Falimada لماذا détester cette chose que Allah lui a donnée? Encore pire, encore plus grave. لماذا espérer que cette chose elle disparaisse alors que c'est Allah qui lui a donné. Et on répète, demande à Allah subhanahu wa ta'ala min fadlih. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu veux des enfants, si tu veux de l'argent, si tu veux une maison, si tu veux de la science, demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa ta'mal bihi yaduk. Et هذا نعم encore plus grave. Fais attention de ne pas prononcer une chose avec ta langue ou de faire quelque chose avec tes mains. في هذا الحال ça peut être très très grave. قال أبو حاتم العاقل إذا خطر بباله ضرب من الحسد لأخيه أبلغ المجهود في كتمانه وترك إبداء ما خطر بباله. أبو حاتم ابن حبان رحمه الله إلى confirmé هذا. العاقل إذا خطر بباله si شيء من الحسد يpenetre dans son cœur, enfin il le repousse. Il le repousse et il délaisse هذا. ثم قال واكثر ما يوجد الحسد بين الاقران او من تقارب الشكل لان الكتب لا يحسدها الا الكتب كما ان الحجب لا يحسدها الا الحجب ولن يبلغ المرء مرتبة من مراتب هذه الدنيا إلا وجد فيها من يبغضه عليها أو يحسده فيها. تزن فائدة يا لمعلومة عند كثير من إخواننا أن الحسد en général أكثر ما يوجد بين الأقران. الأقران c'est le pluriel de قرين, c'est quelqu'un qui a la même occupation que toi. C'est pour ça que قال لأن الكتبة لا يحسدها إلا الكتبة. الكتبة en général ils ont de la jalousie entre eux. On peut citer un exemple encore plus clair pour faciliter à tout le monde. مثلا un mécanicien il sera pas jaloux d'un étudiant en sciences. Les gens d'aller en ils ont pas les mêmes occupations. Au contraire, tu trouveras que le mécanicien il va respecter جدًا طالب العلم. Ils exagèrent. Il peut te prendre pour un imam, pour un savant. Tellement qu'il te respecte, il n'y aura pas de jalousie. Et tu lui diras une chose. Bien sûr, si c'est un mu'min, il aime le khayr, il t'écoutera. Amma, les mécaniciens entre eux, tu trouves min al-hasad al-kathir. Quand il a plus de clients, quand il a plus de khibra, il a plus de science dans son domaine, al-hasad iran. Hakadha bayna talabat al-ilm. Falihada qala Cheikh al-Uthaymeen, rahimahullah ta'ala. في مجموع الفتاوى وهكذا أظن لا مثل هذا الكلام ده الشرح الحلية لكن نسيت المهم نسيت سو كلام طيب قال الحسد خلق ذميم ومع الأسف أنه أكثر ما يوجد بين العلماء وطلبة العلم ويوجد بين التجار فيحسد بعضهم بعضا قال وكل ذلك وكل ذي مهنة يحسد من شاركه فيها. C'est ça, al-mihna c'est celui qui est un takhassus. Ton travail c'est tel domaine, tu as un domaine spécifique. Enfin, tu trouveras ceux qui ont le même domaine, en général la jalousie elle est propagée. Comme قال شيخ العثيمين للأسف أنه أكثر ما يوجد بين العلماء entre les savants et طلبة العلم. فلهذا on doit faire attention si Allah subhanahu wa ta'ala t'a facilité, tu aimes l'ilm et tu fais des efforts. Enfin, n'aie pas de jalousie envers ton frère. Si Allah lui ouvre les portes, il apprend plus vite, il comprend plus vite. Allah subhanahu wa ta'ala, il l'élève. Enfin, alhamdulillah. Alhamdulillah, et fais du'a pour lui et entraide-toi ma'a. Al-mu'minouna ikhwa. Amma, hada al-hasad qui est propagé. Tu trouves ba'd al-zalimin, ba'd al-haqidin. أنه il accuse son frère طالب علم et lui-même il étudie العلم لكن il accuse son frère à cause de l'hiqd ou l'hassad ou l'dhon de choses que son frère il n'a jamais fait. لماذا لأنه il espère que ce طالب cet étudiant il tombe comme ça sahar reste pour lui. ونعوذ بالله. Ça c'est ceux qui travaillent pour eux, qu'ils ont cette niya et pensent à eux, ça leur arrive كثيرا. وإلا فالمخلص celui qui est sincère et celui dont le but من هذا العلم c'est de mettre en application et son but c'est que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala elle soit la plus haute. L'inna talabul ilm c'est un jihad. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a démontré que le jihad visabilillah, que ce soit le jihad avec les armes ou avec l'ilm, c'est l'i'la kalimatillah. Enfin, celui qui a cette intention, enfin, plus il y a d'étudiants en science, plus il y a de savants, plus le haqq il se propage, plus il est content. Même si lui il n'est pas mis en avant, même si lui n'est pas reconnu. الأمر السهل l'essentiel c'est دين الله لكن الحسد il vient il rentre dans le cœur quand il y a un problème في النية même si l'insan il a beaucoup d'ilm comme من الناس ils ont énormément d'ilm لكن ils ont des faiblesses dans l'intention. On doit se rappeler دائما أن هذا العلم c'est لله, ça doit être pour Allah سبحانه وتعالى, c'est une عبادة عظيمة. فكأ الله سبحانه وتعالى il secours son دين par ta cause أنت ou par un autre. الأمر سهل. L'essentiel c'est que دين الله عز وجل il soit secouru et élevé. ونسأل الله سبحانه وتعالى الهداية والسلامة. نعم ثم قال ولن يبلغ المر مرتبة من مراتب هذه الدنيا إلا وجد فيها من يبغضه عليها أو يحسده فيها. هذا لا شك فيه. Si l'insan il atteint un niveau, soit fit dunya, maintenant il ouvre sa société, maintenant il devient très très riche, soit fit l'ilm, ça devient talib ilm, ça devient un grand étudiant, ça devient un savant, là chaque tu trouveras بعض الناس qui vont l'envier, qui vont le jalouser. قال والحاسد خصم معاند لا يجب للعاقل أن يجعله حكما عند نائبة تحذد فإنه إن حكم لم يحكم إلا عليه وإن قصد لم يقصد إلا له وإن حرم لم يحرم إلا حظه وإن أعطى أعطى غيره وإن قعد لم يقعد إلا عنه وإن نهض لم ينهض إلا إليه ليس للمحسود عنده ذنب إلا النعم التي عنده. أي هنا il a fait une remarque pour conclure أن العاقل il ne doit pas prendre comme حكم un hasid, un haqid, un jaloux. Maintenant, tu sais qu'il y a un problème entre un tel et un tel. Et tu sais que cette personne, ça se voit. On t'a informé, tu as vu. Anahu, il est jaloux envers son frère. Enfin, ne l'écoute pas. S'il y a un problème. Il va mettre la faute sur l'autre. Il va mentir, il va accuser, il va amplifier, il va déformer. Tout ça, son but, c'est quoi? C'est de faire du mal à l'autre. Et imma que cette ni'ma disparaisse, imma les gens, ils le délaissent. هذا قصد الحاقد فلهذا قال وليس للمحسود عنده ذنب أي celui qui n'a rien fait بل il est victime de cette jalousie il n'a commis aucun péché إلا النعم التي عنده sauf c'est quoi son péché si on peut appeler cela un péché c'est pas un péché لكن si on dirait quel péché il a fait quelle chose il a commis c'est ce ni'am que Allah lui a donné rien d'autre. Et là, chaque, ce n'est pas un péché, بل c'est une ni'ma min ni'amillah. قال فليحذر المرء ما وصفت من أشكاله وأقرانه وجيرانه وبني أعمامه. لماذا il a cité هؤلاء? Il a cité l'insan يحذر من أشكاله, أي ceux qui lui ressemblent, et qu'ils ont les mêmes occupations que lui, les mêmes objectifs que lui. مثلا le mécanicien, l'étudiant, وهكذا chacun dans son domaine. قال وأقرانه وجيرانه كذلك les voisins. Vous avez remarqué, il y a beaucoup de hasad entre les voisins. Tu trouves dans une rue, il y a une dizaine de maisons, tu trouves كثيرا, il y a beaucoup de problèmes. Une des principales causes, c'est le hasad. Ils ont vu un tel acheter une voiture, ils ont vu un tel, les gens ils lui rendent visite, ils ont vu un tel où il travaille, ils ont vu, et vu que ils n'ont rien à faire, et الشيطان يحاربهم ويتمكن من قلوبهم ils les occupent avec هذا الحسد. Ils regardent que l'autre. C'est pour ça que tu trouves dans une rue, ils ont beaucoup de problèmes. Mais tu trouves ces personnes qui ont des problèmes entre eux, avec les autres, ça se passe très bien. لماذا? Les anahoum, ils n'ont aucun lien معهم. Ils ne regardent même pas ce qu'il fait. Ils le voient une fois par an, une fois dans sa vie, ربما. C'est pour ça que الحسد, c'est les gens qui se côtoient. قال وهكذا وبني أعمامه وهكذا la famille. Il y a beaucoup de حسد. Entre cousins, bel bardoum, ça va plus loin, entre frères et sœurs. Ayyadam billah. قال أبو حاتم رحمه الله الواجب على العاقل الحازم أن يوطن نفسه على التحمل مقاساة ألم الحسد فيه وأكثر ما يوجد الحسد من الجيران والإخوان كذلك العاقل الحازم يوطن نفسه على التحمل. نعم tu dois patienter. Si واحد tu sais qu'il est jaloux, tu sais qu'il parle, tu sais qu'il critique, tu sais qu'il veut du mal, patiente. Surtout ne baisse pas les bras, c'est ce qu'il veut. Tu étudies l'imme talen et une accusation. Beaucoup d'accusations, beaucoup de kalam. Wallahi, yana ha'oula al-haqidin al-hazinin. Ce qu'ils veulent, c'est que tu baisses les bras et tu délaisses. Et là, anta falillah, fais pas parce qu'ils ont parlé là. Lakin, ne baisse surtout pas les bras à cause d'eux. Wahagada fi umur al-dunya. Qala, wa akthar ma yujad al-hasad. من الجيران والإخوان هذا تقدم. La jalousie en général c'est entre voisins, entre proches. قال إن تعروا عن الديانة ولزوم أسباب الصيانة. C'est deux choses. C'est ça qui permet à cette jalousie de pénétrer certains cœurs. إذا تعروا عن الديانة. S'ils s'écartent de leur dîme. لا يخافون الله. Ils oublient. Ils sont insouciants. Ils sont viroflans. Celui qui donne c'est Allah. كذلك ولزوم أسباب الصيانة. Et il ne faut pas les causes pour repousser ce hasad. من ذكر ودعاء وقراءة قرآن لكوز كنا ستفي كلمة ابن القيم رحمه الله. قال ثم من الأقارب، إذ الأقارب في الحقيقة عقارب رحمه الله، الأقارب سي لي بروش. قال إذ الأقارب في الحقيقة عقارب، هذا سي با على الإطلاق. عقارب سي لو بلوريال دو عقرب، أي الأقارب سي دي عقارب سي دي سكوربيون رحمه الله، كأنه إلا في كالكو بروبليم. هذا سعريف كثيرا، وإلا سي با تو لي أقارب، لكن صحيح encore plus à notre époque أن بعض الأقارب vu qu'ils ont accès à certaines choses que tu as. مثلا بعض الأقارب يرونت chez toi et ils connaissent certaines choses de ta vie privée. Ils connaissent مثلا tu travailles où, à peu près combien tu gagnes. Il a après moi ils ont des معلومات par rapport aux autres, ils ont des renseignements que d'autres ils n'ont pas. Enfin si ce قريب il a un problème في ديانته، dans une faiblesse dans son دين، et il ne fait pas les causes pour repousser هذا الحسد، فهي peut être touché par هذا. قال إلا من عصمه الله، sauf celui que Allah y préserve. وجاز به عن أمثالها ثم في أهل الصناعة الذين لم يسلكوا مسلك ذوي الحجة ولا أرموا محل أولي النحل في مجانبة الدين في الأقوال ولزوم ضده من الآمال. أي نعم. ثم قال بئس الشعار للمرء الحسد لأنه يورث الكمد ويورث الحزن وهو داء لا دواء له. قوله داء لا دواء له سين مالادي كي نا با دو رميد، فهذا هذا سب على الإطلاق. صحيح beaucoup de ceux qui tombent malades à cause de cette jalousie, ils tombent malades du cœur أقصد أن كثير من هؤلاء نعم ils se font beaucoup de mal et ils arrivent pas à repousser. بل بعضهم ils essayent même pas، لكن سب على الإطلاق. كم من الناس ils ont été touchés par cela ثم تابوا et الله سبحانه وتعالى تاب عليهم. أما قوله يورث الحزن ويورث الكمد، هذا لا شك فيه. Tu trouves الحاقد il n'est pas heureux. Il n'est pas heureux. لماذا؟ لأن pour être heureux il faut que les autres soient malheureux. Et vu que les autres Allah سبحانه وتعالى il leur donne، et tu trouveras jamais tout le monde qui est malheureux là. فهو عيادا بالله il veut voir les autres malheureux pour qu'ils soient heureux. فلهذا il est في ضيق الحاسد. Et quand tu te poses la question pourquoi tout cela، c'est من الشيطان. وإلا فالعاقل العاقل الحازم celui qui tient à son دين qui fait des efforts dans son دين il ne perd pas de temps في هذا أبدا. قال والحاسد إذا رأى بأخي نعمة بهت وإن رأى به عثرة شمت. Ça c'est من أوصاف الحاسدين، les jaloux ils sont caractérisés par هذا. Si un de leurs frères il est touché par un bienfait ça les rend triste. Et si ce même musulman il est touché par une épreuve ou un accident ou un manquement ou une catastrophe l'a touché, Shamita c'est le premier à parler et à dire mais c'est lui il aurait dû faire c'est kada. Hada la yajouz Shamita. Shamita c'est interdit dans notre dîn avec ton camp musulman. S'il avait vraiment des manquements valimada tu l'as pas conseillé avant. Bad an-nas ayyadan billah ils ont hadhihi Shamita pour la moindre des choses. Quand le mu'min il est touché par une chose ils disent mais c'est eux. Ils auraient dû faire kada, ils n'ont pas fait kada. Limada, tu ne le conseilles pas au départ. Qala, wa dalilu ma fi qalbihi mukammanun ala wajhihi mubin wa ma ra'aytu hasidan salama ahad. Eh haoula na'am. Leur objectif c'est que les autres et ça se voit sur leur visage comme قال. Wal hasadu da'iyatun ila an-nakad. Ala tara iblis hasada adam fa kana hasaduhu nakadan ala nafsihi فصار لعينا بعدما كان مكينا. وهذا تقدم معنا، هذا تقدم معنا. المحقق الشيخ حامد الفقي الى فان تنبيه سيغ قول ابن حبان كان مكينا. صحيح ان بعض الناس يديز ان ابليس افون دافور دي زوي il avait telle place. بعضهم يديز كو سيتي ان انج. لا سي Ça n'a jamais été un ange, c'est un djinn. Ou pardon, ils disent qu'il avait telle chose, qu'Anaou, il avait un rang très très élevé. Ou Al-Alama, Cheikh Hamid, il a fait le tambi, Anahada, la délil alay. On n'a aucun délil alay. On sait qu'il a désobéi. Anahou, il avait une très haute place et Anahou, il faisait partie de. Anahou, c'était un ange, Abedan, c'était pas un ange. Anahada, c'est sûr, c'est un djinn. Anahada, la place qu'il avait, Allahu alam biha. أما إكزاجيري في هذا يسي بعض الناس يسون هكذا خاصة من الوعاظ القصاص الجهلة يفل مونتخي لا غرافيتي دو ليغارمون دي بليس Et en opposant, fil muqabil, ma dri, comment traduire en arabe, là, vous allez comprendre, inshallah, pour montrer la gravité de l'égarement de Iblis, ils veulent montrer qu'avant l'égarement, il avait une place très très élevée. وهذا كما كما نبه المحقق رحمة الله عليه أن هذا يفود أدلة أما في القرآن وفي السنة on n'a pas من هذا donc on ça suffit de montrer que il s'égarait à cause de la jalousie. قال ويسهل على المرء ترضي كل ساخط في الدنيا حتى يرضى إلا الحسود إلا الحسود فإنه لا يرضي إلا زوال النعمة التي حسد من أجلها. صحيح. Ceux qui ne sont pas touchés par la jalousie, tu peux les convaincre très très vite. Mathalan, il a un problème avec un autre. Ça arrive. Entre deux frères. Ce n'est pas un problème de jalousie. C'est un problème, un malentendu. Un manquement d'un des deux. Un péché. Mouhim, quelque chose. Si tu viens à la réconcilier, c'est très très simple. Tu lui montres. Annahu, peut-être qu'il s'est trompé. Annahu, ça ne se fait pas. Annahu. Alhamdoulilah, ils reviennent très très vite. Ammalha, c'est... فكما قال فإنه لا يرضي إلا زوال النعمة. Tu peux pas le convaincre, لأن lui ce qu'il veut c'est que cette ni'ma elle disparaisse. Donc tant que l'autre il a la ni'ma, tu le trouves les accusations, des mensonges et des fausses excuses. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا الحسد وأن يكفينا شر الحاقدين الحاسدين. Et on peut très vite, très rapidement résumer les 10 points, lire faqat le début, les 10 points pour se préserver de la jalousie des jaloux pour compléter hada. On l'avait lu il y a quelques jours, lakin la basi n'am, si on les relit walaw un par un les 10 kalam Ibn Qayyim dans Bada'i' al-Fawa'id. Donc le premier qu'on avait cité, expliqué il y a quelques jours, ta'awud billah min sharri. Non. Demander protection à Allah subhanahu wa ta'ala. Ah, c'est muhim. Athani taqwallah. Craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Il y en a celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, Allah il le préservera. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadhurrukum kaydihum shay'a. Celui qui craint Allah et qui est patient, pas le mal des autres, des jaloux, des ennemis d'Allah, des ennemis de la sunna, ça le touchera pas. Athalith الصبر على عدوه patiente والا الحاقد الحاسد quand il veut te faire du mal il espère que tu baisses les bras si tu patientes il abandonnera très très vite لانه c'est من اضعف الناس. السبب الرابع التوكل على الله placer sa confiance en Allah. الخامس فراغ القلب من الاشتغال به. Ça c'est important, ne t'occupe pas de هؤلاء. Si tu as on t'a informé en un tel il te critique, il est jaloux. لماذا il est jaloux, il y en a été critiqué, il y a aucune raison de critiquer, ça montre qu'il est jaloux. Et à cette hal, ne t'occupe pas. N'occupe pas ton cœur avec haoula. Ils n'en valent pas la peine. Al-sadis, al-iqbal ala Allah. Ou al-ikhlas ou la. Concentre-toi dans l'adoration d'Allah. Fais l'ilm. Sois sincère. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, il te protégera et t'élèvera. Al-sabi' tajrid al-tawba ila Allah min al-dhunu. Allati salatat alayhi a'da'a. Lianna, ahyanan, le jaloux, il fait du mal à un autre. Pourquoi? Parce que ce musulman il a fait des péchés. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il l'éprouve avec ce jaloux. فالذي تاب, celui qui se repent, Allah subhanahu wa ta'ala, il efface ses fautes, et bien, idnillah, il sera préservé. الثامن, الصدق والإحسان, ما أمكنه. الصدق والإحسان. Et هذا, ça élève l'insan, et كذلك, ça repousse la jalousie, le mauvais œil, etc. التاسع, وهو من أصعب الأسباب على النفس وشقها, ولا يوفق له إلا من عظم حظه. قال اطفاء نار الحاسد والبغي بالاحسان اليه. La neuvième cause, c'est une des plus difficiles, c'est as-sadaqa wal-ihsan qu'il a cité dans le 8e point. Le 9e point, tu le fais avec cette personne qui te veut du mal. Lui il te veut du mal et en toi tu réponds par l'ihsan. As-sadaqa, un cadeau, des bonnes paroles. فهذا كما قال ابن القيم رحمه الله, ça éteint ce feu, cette jalousie dans le cœur de la personne. Bi-idhnillah. Wa al-ashir, la dixième cause pour repousser la jalousie, قال تجريد التوحيد والترحل بالفكر في الأسباب إلى المسبب العزيز. نعم, adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul, faire des efforts في هذا الباب العظيم. Et لا شك أن الموحد إلى منصور وكان حقا علينا نصر المؤمنين. المؤمنين الموحدين الله سبحانه وتعالى il a promis de les secourir. هذه العشرة on les a expliqué il y a quelques jours والحمد لله. Et on passe à notre deuxième درس inshallah ta'ala.